إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 60 dans la lecture du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, le résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé aujourd'hui au chapitre 58. Et le titre de ce chapitre c'est Babun an-nahy an sabbi ar-rih. An-nahy an sabbi ar-rih, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'interdiction d'insulter le vent. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence ce chapitre en mentionnant un hadith. Et en fait, dans ce chapitre, il n'y a que ce hadith. C'est un hadith rapporté selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, qui dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Sahahahu al-Tirmidhi. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et qui a été authentifié par al-Tirmidhi. Il est également dans la musnad de l'imam Ahmad. Donc c'est rapporté selon Ubay ibn Ka'b que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas le vent, et lorsque vous voyez ce que vous n'aimez pas ou ce qui vous déplaît, alors dites: ô Allah, nous te demandons le meilleur de ce vin et le meilleur de ce qu'il contient, et nous te demandons le bien de ce vin et le bien de ce qu'il contient et le bien de ce qu'il a été commandé ou ordonné, et nous cherchons refuge en toi contre le mal de ce vin et le mal de ce qu'il contient et le mal de ce qu'il a été ordonné. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique l'occasion de ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Quelle raison on a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? Et le Cheikh, il dit: munasabatu hadha al-bab li Kitab al-Tawhid anna sabba al-rih سب لمدبرها وهو الله تعالى لأنها تجري بأمره فسبها مخل للتوحيد. Donc le Cheikh explique l'occasion pour laquelle on a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, et c'est parce que le fait d'insulter le vent, c'est équivalent à insulter celui qui le contrôle. Et celui qui contrôle le vent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on sait tous que le vent, il souffle selon l'ordre d'Allah et selon son commandement. Et donc, celui qui insulte le vin, il a indirectement insulté Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de, donc d'insulter le vin, c'est quelque chose qui vient créer un problème dans le tawhid, hein, qui vient en, c'est quelque chose qui vient créer une défaillance dans notre tawhid. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit Ubay huwa Ubay ibn Ka'b ibn Qays al-Ansari sayyid al-qurra shahida al-Aqaba wa badran wa al-mashahid kullaha wa qila mata fi khilafati Umar wa qila fi khilafati Uthman sanata 30 hijriyan radiyallahu anhu. Le cheikh il explique que Ubay ibn Ka'b, son nom c'est Ubay ibn Ka'b ibn Qays al-Ansari Sayyid al-Qurra, donc c'est un des meilleurs parmi les récitateurs du Coran, un des plus savants. Il a été témoin de Al-Aqaba, la bay'a de Al-Aqaba, et il a été présent également à Badr, et il a été présent dans toutes les batailles. Et certains disent qu'il est mort durant le khilafat de Omar, et d'autres disent qu'il est mort durant le khilafat de Uthman en l'an 30 radiyallahu anhu, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh dit ensuite la tasubbu ar-rih, ça c'est le qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith, أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر بسببها. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'insultez pas le vin, ça signifie que on ne doit pas l'insulter et on ne doit pas le maudire à cause d'un mal qui nous serait arrivé à cause de ce vin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite, et si vous voyez ce que vous n'aimez pas ou ce qui vous déplaît dans le vin, qu'est-ce que vous détestez, hein, qui est par rapport à qu'est-ce que le vin peut causer parfois, alors il dit فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ أَيْ مِنَ الرِّيحِ إِمَّا شِدَّةِ حَرِّهَا أَوْ بَرْدِهَا أَوْ قُوَّتِهَا. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique qu'est-ce que c'est les choses qu'on peut détester, par exemple le fait que le vin soit très fort ou très chaud ou très froid, hein? Donc ça c'est des choses qu'on peut détester, hein, de qu'est-ce que le vin amène parfois, hein? La chaleur, le froid et des fois le vin qui est très fort qui détruit les maisons, qui détruit les choses, tout ça, ça peut être des choses qui sont déplaisantes ou qui sont détestables parfois. Et il dit, lorsque vous voyez ces choses-là, dites « Oh Allah, nous te demandons le bien de ce vin et le bien de ce qu'il contient et le bien de ce qu'il a été commandé ou ordonné. Et nous cherchons refuge en toi contre le mal de ce vin » et contre le mal de ce qu'il contient et le mal de ce qu'il a été ordonné. Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi ar-rih wa khayra ma fiha wa khayra ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih. Donc c'est de faire ce dua, de faire cette invocation et ce rappel. Le cheikh il explique, il dit rujou'un ila khaliqiha wa mudabbiriha bi su'alihi khayriha wa daf'i sharriha. Donc c'est comme si tu retournais en fait à son créateur et à son maître, celui qui la contrôle, pour lui demander le bien de ce vin et pour faire en sorte qu'il repousse de nous le mal de ce vin. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, la signification générale de ce hadith. ينهى صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لأنها مخلوقة مأمورة من الله فسبها سب لله وتسخط لقضائه ف ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى خالقها بسؤاله من خيرها والاستعاذة به من شرها لما في ذلك من العبودية لله تعالى وذلك هو حال أهل التوحيد. Donc le cheikh il explique que la signification globale de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit d'insulter le vin, parce que le vin lui-même est une créature et qu'il est commandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc celui qui insulte le vin insulte Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et il se met en colère contre son décret et contre son ordre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers le fait de revenir à son créateur, le créateur du vin, pour lui demander du bien de ce vin et pour demander le refuge contre le mal de ce vin, parce qu'il y a dans cela une soumission à Allah et une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de reconnaître qu'on est à son service et à son adoration, qu'on est soumis à lui et qu'on est parmi ses adorateurs et ses servants. Et ça, c'est la situation et l'état des gens du tawhid, hein, face à ce genre de situation là. Et on peut mentionner justement par rapport à ça, c'est que ça, c'est des exemples que le cheikh mentionne par rapport au vin, hein, et des choses de ce genre, ou bien d'insulter le temps, comme on a lu dans un autre chapitre. Eh bien, tout ça, c'est des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionnés pour qu'on comprenne que tout ce qui se produit parmi les choses qui sont créées dans l'univers, eh bien, elles sont contrôlées par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elles ne sont pas gérées par elles-mêmes et qu'elles ne se contrôlent pas comme par elles-mêmes, hein, ou par hasard ou par la chance, comme le disent les kuffars, hein, et les matérialistes, et les athées, et les communistes, et les gens de ces catégories-là, qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala soit celui qui crée tout et qui contrôle tout, hein, et qui fait que toute chose se produit selon sa sagesse. Hein. Donc ça, c'est un point très important. Parce que les matérialistes et les parfois les scientifiques qui se basent uniquement sur les causes et les effets, mais qui oublient la plus grande des causes, qui est celui qui est derrière toutes les causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui fait que chaque chose se produise et qu'il n'y a rien dans l'univers qui se produit excepté par sa permission et par son ordre et par sa volonté, hein, que ce soit dans les choses immenses et gigantesques ou les choses microscopiques. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les contrôle et rien ne sort de sa volonté et de sa puissance. Cheikh il dit munasabatu al-hadith lil-bab an-nahya an-nahya an sabb ar-rih. Donc pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que ce hadith correspond avec le titre, puisqu'il interdit d'insulter le vin. Le cheikh il dit ensuite وما يستفاد من الحديث, les points qu'on peut tirer comme points bénéfiques de ce hadith. أولا النهي عن سب الريح لأنها خلق مدبر فيرجع السب إلى خالقها ومدبرها. Donc premièrement, l'interdiction d'insulter le vent, parce que c'est une créature qui est géré par Allah subhanahu wa ta'ala et contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui insulte le vent, il insulte son créateur et il insulte également et indirectement celui qui le contrôle, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ثانياً الرجوع إلى الله والاستعاذة به من شر ما خلق. Donc deuxièmement, c'est le fait de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de chercher refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de ce qu'il a créé. Et on voit ici en même temps la bonne manière et le bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait que on ne lui attribue pas directement le mal, même si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé dans l'univers, mais par politesse et par respect, on ne lui attribue pas directement le mal, hein, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé un mal parfait ou complet, hein, même dans le mal que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il a créé pour une raison qui est bien et pour une cause, pour un objectif qui est bon à la fin, hein, qui est bon. Donc il n'y a pas de mal pur, hein, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et c'est pour ça que le mal est attribué à sa création et non à lui, hein, le mal de ce qu'il a créé, comme dans surat قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, contre le mal, hein, de ce qu'il a créé. Donc ça c'est un exemple. Ensuite il dit comme point numéro 3, أن الريح تكون مأمورة بالخير وتكون مأمورة بالشر. Donc que le vent il peut être ordonné de faire quelque chose de bien comme il peut être ordonné de faire quelque chose de mal, hein? Et c'est pour ça que parfois vous allez voir des kuffars parmi les matérialistes, hein? Ils vont dire par exemple que les événements qui se passent dans l'univers c'est uniquement géré par la nature, c'est-à-dire c'est la nature qui agit, hein, et qui contrôle et qui fait des choses. Maintenant tout le monde est conscient en même temps que la nature c'est quelque chose qui, hein, est aveugle et, hein, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de volonté, hein. Donc la nature en réalité ça n'existe pas, dans le sens que c'est un terme que les kuffars ont inventé pour ne pas mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de leur orgueil, de leur fierté. Donc ils refusent de mentionner Allah et de croire en Allah. Donc au lieu de dire Allah, ils disent la nature. C'est la nature qui fait telle ou telle chose, hein? Et ils vont dire par exemple, donc ça c'est la nature qui fait ça, ou c'est la nature qui fait bien les choses, ou les choses de ce genre. Non, ça c'est une forme de kufr, yani, hein? Et c'est pas la nature qui fait les choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et quand quelque chose arrive dans l'univers, les kuffars ils disent, si par exemple il y a un tremblement de terre, ou s'il y a par exemple un ouragan ou une tornade ou une inondation, ils disent c'est pas bien et c'est pas mal, c'est neutre parce que c'est quelque chose qui est la nature, c'est pas pour un bien ou pour un mal. Et la réalité c'est que lorsque il y a une tornade qui frappe ta maison ou une inondation, hein, qui détruit ta propriété, ou bien un tremblement de terre qui détruit des vies ou des personnes, eh bien c'est sûr que pour toi c'est pas une bonne chose, hein? C'est pas une bonne chose puisque tu perds de tes biens ou de tes richesses, hein? Donc il y a un mal là-dedans, ça c'est certain. Mais sauf que, hein, c'est pour une sagesse divine, il y a un bien dedans, même si nous parfois on le voit pas. Hein? Et donc il faut être conscient de ça et remercier Allah subhanahu wa ta'ala et être patient lorsqu'on est frappé par des situations comme ça, et savoir que tout ce qui se passe est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le bien qui vient du vent aussi, eh bien il y a des vents qui contiennent, hein, de la fraîcheur, qui contiennent par exemple des parfois dans le vent, dans le vent, il y a du pollen qui sert à faire que les plantes se multiplient Il y a des choses comme ça. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont bonnes avec le vent. On peut faire avancer les bateaux sur la mer. On peut faire tourner les moulins. On peut faire créer même maintenant, il y a les, l'énergie éolienne. On fait même de l'énergie avec ça. Le vent qui souffle et qui fait tourner les hélices. Ça fait tourner les génératrices de ces trucs moulins ou des trucs comme éoliennes comme ça, et puis après ça fait de l'énergie et puis on utilise ça. Ça, c'est des exemples du bien qui peuvent venir du vent, et tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est gratuit, c'est pas des choses qui ont un coût. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ça, il nous donne ça comme il nous donne la lumière du soleil, comme il nous donne plein d'autres de ses grâces. Donc tout ça, c'est des choses qu'il nous donne. Et ensuite, il dit comme point numéro 4, al-irshad ila al-kalam an-nafi' idha ra'a al-insan ma yakrahu lis-salamati min sharrihi. Donc le point numéro 4, c'est que il nous oriente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers une parole qui est bénéfique lorsque l'homme voit qu'est-ce qu'il n'aime pas, pour qu'il soit épargné du mal de ce vent. Donc ça, c'est des points qu'on peut tirer qui sont bénéfiques de ce chapitre. Le point, maintenant le chapitre 59, qui est un chapitre très important aussi et très bénéfique, et surtout à notre époque, parce que on vit dans une période difficile avec beaucoup d'épreuves et de difficultés pour les croyants, et donc vous allez voir que c'est très important qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre-là, puisque c'est pour nous pousser à rester toujours optimistes et positifs et à ne pas être pessimistes et négatifs et penser du mal de notre situation par rapport à l'islam. Donc le cheikh, il dit dans ce chapitre ici, Babun, qawlullahi ta'ala, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. C'est le verset 154 dans sourate Ala Imran. Donc dans le verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mis, il n'a pas mis le verset au complet, il a seulement mis une partie du verset. Toutefois, le verset 154 au complet, le cheikh il met la suite du verset. Bon, on va lire ensemble qu'est-ce que ça signifie. Ils avaient des pensées sur Allah non conformes à la vérité. Dhann al-jahiliya, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance pré-islamique. يقولون هل لنا من الأمر هل لنا من الأمر من شيء. Ils disent, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? قل إن الأمر كله لله. Dit, l'affaire tout entière est à Allah. La suite du verset que le cheikh mentionne ici, le verset 154, c'est يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ. Ils cachent en eux-mêmes ce qu'ils ne te révèlent pas. Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله أو وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Donc, la suite, ils disent, ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dit, hein, même si vous auriez été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où, où la mort les attendait. Hein, ceci afin qu'Allah éprouve ce qu'il y a dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Hein? Donc ça c'est le verset en question. Et on a vu ce verset-là déjà. Hein? On a vu ce verset-là déjà dans les chapitres précédents, dans les derniers cours qu'on a fait. C'était, si je me souviens bien, c'était le verset 154 encore, mais dans à propos de dire si, hein, low. C'est le chapitre 57. Donc maintenant c'est le même chapitre, sauf que on va toucher à d'autres points par rapport à ce verset-là. Le cheikh il dit munasabatu hadha al-bab li kitab at-tawhid. التنبيه على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد. Donc ce chapitre c'est pour nous faire savoir que de penser du bien d'Allah fait partie des obligations du tawhid et que de penser du mal d'Allah est quelque chose qui est en opposition avec le tawhid. Naam, donc ça c'est le but. Maintenant je vais juste lire un petit passage du Sharh du Kitab al-Tawhid de Sheikh Salih al-Sheikh qui s'intitule Kifayat al-Mustazid bi Sharh Kitab al-Tawhid. Donc il dit dans ce chapitre là quelque chose qui est très bénéfique, donc j'ai voulu comme rajouter ça comme clarification et explication de qu'est-ce qui est dit dans ce chapitre là. Il dit مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال وله جل وعلا أفعال الحكمة وأفعال العدل وأفعال الرحمة والبر فهو سبحانه كامل في أسمائه كامل في صفاته كامل في ربوبيته ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة. Donc il dit premièrement que l'occasion de la mention de ce chapitre dans le Kitab al-Tawhid, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit par les caractéristiques, les attributs de perfection. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses actions, il a la sagesse. Et dans ses actions, il a la justice. Et dans ses actions, il a également la miséricorde et la bonté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait dans ses noms, il est parfait dans ses attributs et il est parfait dans sa souveraineté, hein, et dans sa seigneurie. Et parmi les exemples de la perfection qu'il a dans sa seigneurie et dans ses noms et ses attributs, il y a le fait qu'il n'y a rien de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dans sa création, excepté que ce soit pour une parfaite sagesse. Le cheikh explique ensuite, il dit wal hikma hiya annahu yad'u al umur fi mawadi'iha allati tuwafiq al ghayat al mahmuda minha. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? Parce que à notre époque des fois les gens ils ont peut-être un manque de compréhension même en français de ce terme-là. Parce qu'il y en a pour qui être sage, ça veut seulement dire être tranquille, hein, de pas être turbulent. Non, mais la sagesse dans le sens dans lequel on l'emploie maintenant, non. C'est la sagesse dans le sens de quelqu'un qui fait quelque chose, toujours pour une bonne raison. Hein. Il fait quelque chose toujours avec, une bonne raison et tout ce qu'il fait est sensé, est raisonnable. Est logique, hein, et bon, et bénéfique, et profitable. Donc c'est quelqu'un qui prend toujours les bonnes décisions pour les raisons et les choses qu'il fait toujours pour des bonnes raisons. C'est ça dans ce sens-là la sagesse. Donc il dit en arabe la sagesse c'est al-hikma et il explique la définition de al-hikma. Il dit que al-hikma c'est de mettre chaque chose à leur place, de mettre chaque chose à sa place qui correspond à ramener à des objectifs qui sont glorieuses et louables. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que les choses vont, à la fin, arriver à des objectifs et à des buts qui sont bons et louables, qui sont glorieux. Et c'est ça la sagesse. Et c'est ça la sagesse. Et ça, c'est une preuve de perfection. Ça, c'est une preuve de perfection. Donc le cheikh, il dit, فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى لَهُ صِفَاتُ الْكَمَالِ وَلَهُ نُعُوتُ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ فلهذا وجب لكماله جل وعلا أن يظن به ظن الحق وأن لا يظن به ظن السوء وأن يعتقد فيه ما يجب لجلاله جل وعلا من تمام الحكمة وكمال العدل وكمال الرحمة وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فالذي يظن به جل وعلا أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة فإنه قد ظن به ظن النقص وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية. Donc le cheikh explique ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a les attributs de perfection et il a toutes les caractéristiques de majesté et de beauté. C'est pour ça qu'il est obligatoire qu'on pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de sa perfection. C'est obligatoire qu'on pense à propos d'Allah une pensée véridique, qu'on pense à propos d'Allah une pensée qui correspond à la vérité, et non pas qu'on pense à propos d'Allah une pensée mauvaise et qu'on ait des mauvaises pensées à propos de lui. Et c'est obligatoire qu'on croit aussi à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala أن يعتقد فيه ما يجب. Donc on doit croire en ce qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala de façon obligatoire, du fait que il a la majesté et qu'il est majestueux et qu'il est avec une sagesse parfaite et complète et qu'il est avec la justice parfaite et qu'il est également celui qui détient la miséricorde et qui est le miséricordieux et que sa miséricorde est parfaite. Et également parmi les choses qui montrent la perfection de ses noms et de ses attributs, tout ça c'est des manifestations de sa perfection. Donc celui qui pense que Allah subhanahu wa ta'ala n'agit pas avec une sagesse et qu'il ne fait pas les choses pour un objectif ou pour un but qui est bénéfique et bon et parfait, alors il a pensé à propos d'Allah une pensée qui est défaillante, déficiente, qui est imparfaite, et il a pensé du mal, et c'est la mauvaise pensée dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans certains versets au sujet des gens de la jahiliya. Quand il mentionne qu'ils ont à propos d'Allah une mauvaise pensée, eh bien c'est l'exemple de ces gens-là qui pensent du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. فظن غير الحق أي نعم فظن غير الحق بالله مناف للتوحيد وقد يكون منافيا لكمال التوحيد فمنه ما يكون صاحبه خارجا عن ملة الإسلام أصلا كظن غير الحق بالله في بعض مسائل القدر كما سيأتي ومنه ما هو مناف لكمال التوحيد كعدم الإيمان بالحكمة أو بأفعال الله جل وعلا المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة. Donc le cheikh il explique que d'avoir une mauvaise pensée à propos d'Allah ou de penser autre que la vérité à propos d'Allah, c'est quelque chose qui oppose le tawhid, qui vient annuler le tawhid. Et soit que c'est quelque chose qui va annuler la perfection du tawhid, et soit que c'est quelque chose qui va annuler la base du tawhid. Donc si c'est quelque chose qui annule la base du tawhid, dans ce cas là la personne sort de l'islam, comme celui qui a des mauvaises pensées ou qui pense autre que la vérité à propos d'Allah par rapport à certaines questions qui ont rapport avec Al-Qadar, la prédestination, comme on va en parler un peu dans la suite. Et il y a également ce qui vient en contradiction avec la perfection du tawhid, comme le fait de ne pas croire en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou bien la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala a dans ses actions qui sont reliées à des raisons, hein, à des raisons, et à sa sagesse qui est une sagesse parfaite. Donc ça c'est des choses très importantes. Le cheikh il dit ensuite فالله جل وعلا موصوف بكمال الحكمة وكمال الحمد على أفعاله لأن أفعال الله قسمان أفعال ترجع إلى الحكم إلى الحكمة والعدل وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر والخلق. Donc le cheikh il rajoute d'autres clarifications. Mais c'était surtout cette partie-là que je voulais ajouter, parce que je trouvais que c'était une explication très bénéfique et importante. Maintenant, donc, on revient au livre du Cheikh Al-Fawzan, de son résumé. Et on va lire maintenant l'explication des mots qui sont utilisés dans les versets qui sont dans le chapitre 59. Donc, il dit... الله سبحانه وتعالى يظنون أي المنافقون والظن في الأصل خلاف اليقين. Donc le cheikh explique que يظنون, c'est-à-dire qui pense ou qui a ces pensées-là, ce sont les munafiqun, les hypocrites. Ils ont des pensées qui ne sont pas conformes à la vérité, ce sont les hypocrites. Et quand on dit en arabe ici الظن, à la base c'est le contraire de la certitude. Hein? Donc, la dhan, c'est quoi? C'est quand quelqu'un a des doutes. Hein? En général, c'est quand quelqu'un il n'est pas convaincu, il n'est pas certain, ou bien il fait des suppositions, hein? Ou bien des fois des conjectures ou des choses de ce genre. Donc, à la base, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit, on le traduit par, en français, on dit il pense. Parce qu'ils ne sont pas certains. Quand tu dis en français, par exemple, oui, je pense. Est-ce que un tel va être là ce soir? Oui, je pense qu'il va être là. Ça veut dire, tu n'es pas certain. Hein? Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, yadhunnuna, hein? Ils pensent. Ils ont des pensées. Et il dit, yadhunnuna, ghayra al-haq. Ghayra dhann al-haq, c'est-à-dire ils pensent des pensées qui ne sont pas conformes à la réalité et à la vérité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Dhann al-jahiliya badalun min ghayra al-haq, ay al-dhann al-mansub ila ahli al-jahli haythu i'taqadu anna Allah la yansuru rasulahu wal-muradu bil-jahiliya ma qabla al-islam. Donc le cheikh il explique que dhann al-jahiliya c'est comme pour remplacer la phrase précédente, pour remplacer ghayr al-haq, c'est-à-dire la pensée qui n'est pas conforme à la vérité, c'est la pensée de la jahiliya, c'est ce que ça signifie, hein? Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe badal, ça vient remplacer une autre partie de la phrase. Et ça joue le même rôle, hein, dans cette phrase-là. Donc, يَظُنُّونَ غَيْرَ الْحَقِّ, c'est comme si on disait يَظُنُّونَ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. C'est comme si un pourrait prendre la place de l'autre. C'est pour ça qu'on l'appelle badal en arabe. مِنْ بَدَلٌ مِنْ غَيْرِ الْحَقِّ. Donc, ça veut dire que cette pensée qu'ils ont, c'est une pensée qu'on attribue aux gens de la jahiliya. Parce qu'ils croyaient, les gens de la jahiliya, c'est-à-dire les gens avant l'islam, ils croyaient que Allah n'allait pas donner le secours et la victoire à son messager. Hein? Et que l'islam n'allait pas avoir le dessus et la victoire. يقولون بدل من يظنون. Donc encore une fois ici il y a une sub, c'est comme يقولون qui peut être substitué à يظنون. C'est-à-dire les hypocrites disent هل لنا من الأمر من شيء. Est-ce que nous avons quelque chose dans cette affaire? Est-ce que nous avons une part dans cette affaire? استفهام بمعنى النفي أي ما لنا من النصر والظفر نصيب قط أو قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من الأمر شيء. Donc la signification de cette parole ici, le cheikh il dit que c'est une question dans le sens, ça c'est une des deux interprétations. C'est une question dans le sens de la négation, en voulant dire que on n'a aucune part en ce qui concerne la victoire et le fait d'avoir le dessus et la victoire, on n'a aucune part là-dedans du tout. On n'a aucune affaire là-dedans, aucune décision là-dedans. Et ça, c'est la première interprétation. La deuxième, il dit ou bien que ça signifie que nous avons été interdits de gérer par nous-mêmes cette question-là et de faire quoi que ce soit, de prendre quelques décisions là-dedans. Et donc, il ne nous reste aucune autre part dans cette affaire ou dans cette décision. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est relié avec la bataille de Uhud. On parle toujours de la bataille de Uhud, comme on a parlé dans le cours pour le chapitre 59 à propos de si. Et là, il dit ensuite قل إن الأمر كله لله أي ليس لكم ولا لغيركم من الأمر شيء بل الأمر كله لله فهو الذي لا راد لما شاءه وأراده. Dit l'affaire tout entière est à Allah. L'affaire tout entière est à Allah, c'est-à-dire cette affaire-là ne revient ni à vous, ni à autre que vous. Elle revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ. Ils cachent en eux-mêmes ce qu'ils ne divulguent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit ay min al-inkar wa at-takdhib. Donc ils cachent en eux-mêmes la négation et le fait que ils ont démenti la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما لا يبدون لك أي غير الذي يظهرون لك من الإيمان وطلب الاسترشاد. Donc ils te montrent le contraire de ce qu'ils cachent. Et qu'est-ce qu'ils montrent, c'est quoi? Ils montrent la foi et ils montrent qu'ils cherchent à s'orienter et à être guidés. Et bien entendu, c'est le contraire, puisque dans leur cœur, ils ne croient pas. Et les autres choses qui sont mentionnées dans le verset, on l'a expliqué dans le chapitre 57. Le chef explique le sens général de ce verset. Il dit « يخبر تعالى عن ما حصل من المنافقين يوم أحد أنهم ظنوا بالله الظن الباطل وأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن الأمر لو كان إليهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولكن النصر والظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن وبين أنه لا يكون ولا يحدث إلا لا يكون ولا لا يكون ولا يحدث إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به كتابه السابق وأنه لا راد لقضائه. Donc le cheikh explique le sens de ce verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ce qui est arrivé de la part des hypocrites le jour de Uhud, et qu'ils ont pensé à propos d'Allah une pensée fausse, que Allah ne va pas donner la victoire à son messager et que sa religion va être anéantie, va disparaître, et que si le commandement était à eux et si c'était eux qui devaient décider, eh bien, et que les messagers et que le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons les suivaient et les écoutaient, eh bien, ils n'auraient pas été tués. Ceux qui ont été tués n'auraient pas été tués. Et ils auraient eu la victoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis dans cette fausse pensée-là. Et il leur a fait savoir que il ne peut pas se produire excepté ceux qui avaient été décrétés précédemment et prédestinés précédemment. Et yani que c'est qu'est-ce qui avait été précédemment écrit par Allah subhanahu wa ta'ala qui doit s'accomplir, et que rien ne peut repousser éloigner ou repousser son jugement et son décret. Donc ça, c'est un point très important à comprendre, le fait de croire en la sagesse divine et de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a quelque chose qui arrive, même si ça nous déplaît ou même si on trouve que c'est dur, eh bien, ça fait partie de sa sagesse. Comme la défaite de la bataille de Uhud. Peut-être qu'en apparence, ça pouvait paraître comme étant quelque chose de mauvais ou quelque chose de difficile ou de dur pour les croyants, mais il y a eu là-dedans par la suite des conséquences très bénéfiques et des leçons très importantes pour les croyants, pour élever leur foi et pour les mettre à l'épreuve justement. Et donc tout ça, ça fait partie des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, et pour éprouver et pour distinguer entre les croyants et les hypocrites. Si les croyants étaient toujours gagnants et qu'ils n'avaient jamais perdu aucune bataille, eh bien il n'y aurait plus d'épreuves, il n'y aurait plus de tests pour les croyants, et on ne pourrait pas distinguer entre les croyants et les munafiqin. Tout le monde allait dire, ça y est, les musulmans ils gagnent tout le temps. Donc c'est un test pour les kuffars, c'est un test pour les munafiqin, c'est un test pour les mu'minin, c'est un test pour tout le monde. Et en même temps, c'est un rappel aussi, ce chapitre, un rappel pour nous à notre époque, puisque on vit dans le monde actuellement tellement de difficultés par rapport à l'islam de la part des kuffars, que certains parfois parmi les musulmans ils se laissent décourager, tu vois, et ils vont commencer à dire par exemple, ah, mais ça y est, l'islam va jamais avoir le dessus, les musulmans vont toujours rester humiliés, toujours faibles, toujours divisés, toujours des problèmes, Allah subhanahu wa ta'ala va pas nous donner la victoire, jamais, et ainsi de suite. Et ça, c'est contraire à sa promesse, c'est-à-dire c'est contraire à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui pense comme ça, c'est parce que il a des mauvaises pensées à propos d'Allah et il nie la sagesse divine, parce que la sagesse divine implique que les croyants aient le dessus sur les non-croyants et que la victoire à la fin soit pour les mu'minin. Donc c'est pas seulement dans l'au-delà, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre, surtout à notre époque, vis-à-vis du fait que nous on voit que maintenant on a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes et qu'on est faible. Certains parmi les munafiqines maintenant, ils se permettent de dire ou de faire des choses que si les musulmans étaient forts, ils n'oseraient même pas le faire. Mais c'est justement une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les démasquer et faire paraître qui sont les vrais mu'minines. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, le cheikh, il dit, ما يستفاد من الآية. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme points bénéfiques de ce verset. أولا أن من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق إضمحلالا لا يقوم بعده فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. Donc c'est comme qu'est-ce que j'ai mentionné tout à l'heure, que celui qui pense d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va laisser la fausseté être au-dessus et avoir le dessus sur la vérité, et que ça va être quelque chose qui va rester de façon permanente, et que la vérité va disparaître complètement, et qu'elle ne va pas se relever par la suite pour avoir le dessus sur le faux, eh bien celui qui pense comme ça, il a pensé à propos d'Allah une pensée qui contredit la vérité. Et c'est une pensée de la jahiliya. C'est une pensée de la jahiliya. Ensuite, il dit comme point numéro 2, ثانياً إثبات الحكمة فيما يجريه الله من ظهور الباطل أحياناً. Donc c'est deuxièmement de faire établir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il permet de se produire parfois, du fait que certaines fois il donne il permet que le faux ait le dessus sur la vérité parfois, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a une sagesse là-dedans, puisque comme je disais, si les croyants étaient toujours sur le dessus et avaient toujours la victoire et qu'ils n'avaient jamais de défaite et qu'ils étaient toujours les plus forts et les puissants, et que les koufars étaient toujours faibles et humiliés et qu'ils perdaient à chaque fois, eh bien tout le monde verrait. Tout le monde voudrait être avec les mu'minines, tout le monde voudrait être avec les vainqueurs. Personne ne veut être avec les perdants. Personne ne veut perdre. Donc maintenant c'est ça le test, c'est ça l'épreuve. C'est l'épreuve pour les mu'minines, c'est l'épreuve pour les koufars, et c'est l'épreuve pour les munafiqines. C'est l'épreuve pour tout le monde, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse distinguer entre ceux qui veulent vraiment la vérité pour la vérité et ceux qui veulent juste être avec les gagnants et profiter sur le plan matériel ou sur la dunya sans réellement avoir confiance en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien on voit ça maintenant chez les kuffars. On va voir que par exemple, dans les pays des koufars, maintenant, les munafiqines, ils profitent. Ils profitent et les koufars, par exemple, vont demander à certains hypocrites parmi les musulmans de faire certaines choses pour eux, pour les satisfaire et pour essayer d'égarer les musulmans. Et tu vois ces hypocrites-là qui acceptent de travailler pour les koufars dans qu'est-ce qui oppose la vérité et l'islam, et même mentir sur Allah et sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça on le voit surtout de la part des groupes de Hizbiya et des groupes de Bid'a, parmi ceux qui justement aident la cause des koufars volontairement ou involontairement parfois. Parce qu'il y en a des fois, ils montrent qu'ils sont contre les koufars, mais ils sont en train de leur donner le plus grand service en faisant des actions parfois qui ramènent plus de mal que de bien à l'islam. Comme l'exemple d'Al-Qaïda, ou bien l'exemple de Ben Laden, ou des gens qui suivent ces catégories d'égarés-là, qui eux montrent qu'ils veulent combattre les koufars et le kufr, et qui par la suite finissent par faire plus de tort à l'islam et aux musulmans que les koufars eux-mêmes. Allahu al-musta'an, à cause de leur égarement et de leur aveuglement. Donc ça c'est le point au sujet de la sagesse qu'il y a dans ça. Donc comme je disais tout à l'heure, quand il y a eu la bataille de Uhud, ça a été une épreuve pour les mu'minines quand ils ont eu cette défaite au début, puis ça a été rempli de leçons pour les croyants. Et ça a démasqué certains parmi les gens qui n'étaient pas sincères. Et ainsi de suite. Et nous, on profite de ces leçons-là encore aujourd'hui. Le point numéro 3, bayanu khubs tawiyat al munafiqin wa annahum 'inda ash-shada'id yadhharu ma 'indahum min an-nifaq. Donc le cheikh il dit dans le point, comme point numéro 3, l'explication de la saleté de l'intérieur des hypocrites, et que lorsqu'il y a des difficultés, c'est là qu'on voit apparaître leur hypocrisie. Comme qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, la même chose. Ça c'est un des points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset-là. Puis là c'est là maintenant tu les vois en train de dire aux koufars tout ce qu'ils veulent entendre. Il y en a même parfois quand ils entendent des musulmans qui sont en train d'appeler au Coran et la et ça il faut pas penser que c'est seulement dans certains pays, par exemple les pays occidentaux qui sont des pays non musulmans, des pays de kufr. Non, même dans certains pays musulmans, dans certains pays musulmans aussi, on voit que par exemple il y a des gens qui appartiennent à toutes sortes d'idéologies ou bien qui appartiennent à toutes sortes de tendances qui sont opposées au Coran et à la Sunna et opposées à la compréhension des salaf al-salih. Eh bien tu vois que chez eux par exemple ils vont faire toutes sortes de choses contraires à la vérité, contraires au Coran et à la Sunna, et ils vont nier ce qui est affirmé par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils vont affirmer ce qui est nié par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a d'autres qui vont mentir sur Allah, il y en a d'autres qui vont mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir un intérêt dans la dunya. Et maintenant c'est rendu comme ça. Ils vont dire dans les mosquées, on peut plus parler de tawhid parce que ça divise les musulmans. Il faut pas parler de aqidah parce que ça amène les gens à tomber dans l'extrémisme, dans ci ou ça. Il faut pas mentionner que les juifs et les koufars sont des koufars, des mouchriquines. Ça c'est pour eux, ils vont dire ça c'est de l'extrémisme ou c'est ci et ça. Ils commencent à essayer de déformer complètement l'islam. Ils essaient de dire des choses fausses, que l'islam c'est la démocratie c'est Ashura, et qu'il faut être démocrate, il faut être ci et ça, la laïcité ça oppose pas l'islam. Des exemples, ça c'est des exemples que tu vois dans les paroles des munafiqines à notre époque. Maintenant, ils appellent à l'égalité de l'homme et la femme, ils disent que ça fait partie de l'islam. Ils vont commencer, même certains d'entre eux, ils commencent même à dire que l'islam n'est pas contre l'homosexualité, et des choses de ce genre. Donc, on entend de la part des munafiqines à notre époque toutes sortes de mensonges, et les koufars encouragent ces gens-là, bien entendu. Le cheikh il dit ensuite wa isbatul qada'i wal qadar, l'affirmation de la prédestination et du décret divin. Le point numéro 5, wujub tanzihillah amma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Donc il est obligatoire de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui ne lui convient pas comme imperfection ou comme faiblesse ou comme défaut ou ainsi de suite. Et le point numéro 6, wujub husni dhanni billah, l'obligation d'avoir une bonne pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie des choses qui ont rapport avec le premier verset. Le cheikh il mentionne le deuxième verset. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il cite le deuxième verset, qui est un verset tiré de Surat Al-Fath. Et dans ce verset-là, c'est le verset 6 en particulier. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Al-Dhani wa qawlihi Al-Dhani nabillahi dhanna saw alayhim da'iratu saw wa ghadiballahu alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Donc, le cheikh, il explique, il dit, le verset 6 dans Surat Al-Fath, « Li yu'adhib Allahu al-munafiqina wa al-munafiqat والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Ça veut dire afin que Allah les châtie, châtie les hypocrites hommes et femmes et les mushrikin hommes et femmes qui pensent du mal d'Allah, hein, et qu'un mauvais sort retombe sur eux. Qu'un mauvais sort retombe sur eux. Donc ils pensent du mal d'Allah, que le mal retombe sur eux. Et Allah est courroucé contre eux, c'est-à-dire il est en colère contre eux, et il les a maudits, et il a préparé l'enfer pour eux, et quelle mauvaise destination. Donc ça c'est le verset qui est mentionné ensuite. Et ce verset-là, le cheikh il explique, il dit « Avvannina ay al-musi'ina avvanna billahi min al-munafiqina wal-munafiqat » C'est-à-dire ceux qui pensent du mal d'Allah parmi les hypocrites, hommes et femmes. ظن السوء بفتح السين وضمها أي ظن الأمر السوء وهو أن لا ينصر رسوله والمؤمنين. Donc la mauvaise pensée, hein, ظننا بالله ظن السوء, la mauvaise pensée ou la pensée qui pense du mal, c'est quoi le mal en question qu'il pense à propos d'Allah? C'est que Allah ne va pas donner la victoire à son messager et aux mu'minoun. Ça s'applique pas juste à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'applique même jusqu'à à toutes les époques. Lorsque les mu'minoun, hein, défendent la religion d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'ils vont leur donner la victoire. Inna Allah, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wala yansuranna Allahu man yansuru. Allah va donner certes la victoire à ceux qui défendre sa cause et qui donne la victoire à sa cause. In tansurullah yansurkum. Si vous donnez la victoire à Allah et si vous défendez la cause d'Allah, Allah va vous donner la victoire. Mais à condition que on fasse les causes et qu'on, hein, qu'on travaille. Donc, ça c'est une promesse d'Allah. Et celui qui pense que ça y est, c'est fini, les croyants, ils vont toujours être dans la faiblesse, dans l'humiliation, dans la pauvreté, dans l'ignorance, dans le mal, hein, dans le retard, et qu'ils vont jamais reprendre le dessus sur les koufars, et que, hein, c'est fini maintenant, on va toujours être en arrière de tout le monde, et qu'on va jamais relever la tête. Ceux-là, c'est des gens qui ont pensé du mal d'Allah, et qui ont pensé à propos d'Allah la mauvaise pensée. Car certes, il faut être certain et convaincu que la victoire sera pour les mu'minines, pour les croyants, pour les musulmans, pour ceux qui sont sur le tawhid, pour ceux qui sont sur la sunna et qui défendent le tawhid, qui combattent le shirk et qui opposent les bid'ah et qui défendent la sunna et qui suivent la compréhension des salafs. C'est certain que la victoire sera pour eux, peu importe qu'est-ce qui arrive. Et il faut avoir la conviction de ça. Peu importe les problèmes et les, hein, les malheurs qui peuvent nous arriver. Donc, le cheikh, il mentionne ensuite la suite du verset « Wa alayhim da'iratu saw » Comme on a dit, c'est que le mal retombe sur eux. « Ay da'iratu al-azab wa al-zul lazimatu lahum la tatakhattahum » C'est-à-dire que le revers du mal va retourner contre eux. C'est-à-dire que ils auront le châtiment et l'humiliation. Et ça, c'est quelque chose qui est déterminé pour eux. Ça ne peut pas leur manquer. Et il dit « وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ أَيْ سَخِطَ عَلَيْهِمْ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ » Donc il les a... Il est en colère contre eux et il les a éloignés de sa miséricorde. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ أي هَيَّأَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ C'est-à-dire, Allah leur a préparé dans l'au-delà une place, hein, dans l'enfer. جَهَنَّمْ أي النار الشديدة العذاب Dans le feu, dans le dur châtiment. وَسَاءَتْ مَصِيرَةِ Et quelle mauvaise conclusion. manzilan yasiruna ilayhi yawm al-qiyamah. Donc, quelle mauvaise conclusion vers laquelle ils se dirigent au jour de la résurrection. المعنى الإجمالي للآية قوله قول تعالى على الذين يتهمون الله في حكمه ويظنون أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه على أعدائهم دائرة العذاب وأبعدهم الله من رحمته وهيأ لهم في الآخرة نارا يصيرون إليها وهي شر ما يصار إليه. Donc le cheikh il explique que la signification globale de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de ceux qui accusent Allah dans son jugement et dans sa sagesse et qui prétendent que Allah ne va pas donner la victoire à son messager, à ses compagnons et à ceux qui le suivent contre leurs ennemis, eh bien c'est eux qui vont avoir le revers du châtiment et Allah les éloigne de sa miséricorde et il a préparé pour eux dans l'au-delà un feu ou un enfer vers lequel ils vont se diriger et qui est le plus mauvais de toutes la plus mauvaise de toutes les conclusions et de toutes les places où quelqu'un peut aller. مناسبة الآية للباب. Pour quelle occasion on mentionne ce verset dans ce chapitre? أن فيها أن من ظن أن الله لا ينصر حزبه على أعدائه فقد ظن به ظن السوء. Donc celui qui pense. Pourquoi on mentionne ce verset dans ce chapitre? C'est parce qu'il y a dans ce verset la mention du fait que celui qui pense que Allah ne va pas venir au secours de son parti et de ses alliés contre ses ennemis, alors il a pensé à propos d'Allah des pensées qui sont mauvaises. يستفاد من الآية أولا التحذير من سوء الظن بالله ووجوب حسن الظن به. Premièrement, l'avertissement contre le fait de penser du mal à propos d'Allah et l'obligation de penser du bien de lui. ثانيا أن من ظن أن الله لا ينصر رسوله ودينه فقد ظن به ظن السوء. Donc celui qui pense que Allah ne va pas donner la victoire à son messager et à sa religion, alors il a pensé du mal d'Allah. Et le point numéro 3, وصف الله بأنه يغضب على أعدائه ويلعنهم. Le point numéro 3, la description d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que il se met en colère contre ses ennemis et qu'il les maudit. Donc ça fait partie des attributs et il faut croire en ça par rapport à Allah. Et le point numéro 4, bayanu aqibatil kuffar wal munafiqin, la clarification de la conclusion. On explique la conclusion quelle sera la conclusion des kuffars et des munafiqin et ce qu'ils vont être perdants. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab cite ensuite une parole du cheikh l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, l'élève de cheikh l'islam Ibn Taymiyyah. Dans cette citation il dit, voici la citation, قال Ibn al-Qayyim rahimahullah في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله أو أن يظهر على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير لائق أو ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit à propos du premier verset que ce verset, dans ce verset, le terme adhan, la pensée, elle a été interprétée de différentes façons. C'est-à-dire la mauvaise pensée, elle a été interprétée de diverses façons. Yani certains ont dit que c'est le fait qu'ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas donner victoire à son messager. Ou bien que cette affaire va disparaître. C'est-à-dire cette religion, elle va disparaître. Elle n'existera plus. Elle va être écrasée. Et que ce qui est arrivé aux croyants, ce n'était pas par la prédestination d'Allah, ni par sa sagesse. Mais c'était juste parce que eux, ils n'étaient pas là, puis ils n'avaient pas décidé. Ou bien parce qu'ils avaient pas, c'était pas eux qui pouvaient prendre les décisions. Que si c'était eux qui pouvaient prendre les décisions, mais là ils auraient eu la victoire. Donc c'est comme s'ils nient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il répond, il dit قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. C'est-à-dire que la décision dans cette affaire, elle revient toute et entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la défaite, c'était quelque chose que Allah avait prédestiné, et c'était par sa sagesse, et il y a du bien là-dedans aussi, il y a des raisons là-dedans aussi. Donc ça fait partie des interprétations de la mauvaise pensée, de penser que ce qui est arrivé, c'était pas par le qadar ni par la sagesse d'Allah. Ça a été aussi interprété par étant la négation de la sagesse et la négation de la prédestination et la négation que Allah va compléter la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il va faire en sorte qu'elle ait le dessus sur toute autre religion. Donc celui qui nie ça, il a une mauvaise pensée à propos d'Allah. De même que cette mauvaise pensée, il dit, cette mauvaise pensée, c'est la pensée des hypocrites et des mouchriquins dans l'autre verset, qui est le verset de Sourate Al-Fath. وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. Donc la pensée mauvaise dont on parle dans sourate Al-Fath, c'est la même chose. Et pourquoi elle est mauvaise cette pensée? C'est parce que c'est une pensée qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne convient pas à sa sagesse, à sa gloire, et qui ne convient pas à sa promesse véridique. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق أو أنكر ما يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Le cheikh il dit donc que celui qui pense que le faux va toujours continuer à avoir le dessus sur la vérité de façon permanente et que la vérité va disparaître complètement, qu'elle n'existera plus, ou celui qui nie que ce qui se produit faisait partie de la prédestination et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple celui qui niait que la défaite le jour de la bataille de Uhud c'était par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme aujourd'hui celui qui nie que